Chapitre 30. Autre chanson. Et voilà que Valentine Clément recommençait à l'importuner. Son crime lui pesait, elle avait de folles envies de se jeter aux pieds de la comtesse et de tout lui dire. Ah, ce serait du joli! Décidément, cette fille était encore plus dangereuse que Ragdal. Celui-là, au moins, il avait pu lui fermer le bec avec un nouveau tas de billets de banque. Mais contre le sentiment bêta d'une femme, que faire? À la vérité, Valentine perdait la tête dans cet enchevêtrement d'intrigues abominables et lâches. Elle n'était point à la hauteur, décidément. À son insu, hélas, la pauvre Adrienne torturait, tenaillait la coupable. Pauvre mère, comme elle regardait cette petite Geneviève qu'elle croyait son enfant. Oh, ces regards longs, douloureux, mortels! C'était le lancinant cauchemar de Valentine. Elle les revoyait dans ses nuits, hantées de spectres vengeurs et de bébés morts, car elle savait le martyre de la comtesse. Celle-ci lui avait confessé, avoué, crié à travers des sanglots qu'elle n'aimait pas sa chérie, comme une mère devrait aimer. Et la fille-mère avait reçu cela en plein cœur, comme un coup de stylet. La santé se ressentait de ces émotions intolérables. Elle devenait pâle, nerveuse, inquiète, et son lait tournait. Par contre-coup, l'enfant dépérissait. Le comte de Charmeuse, on l'a vu par sa lettre à la marquise de la Rochecléry, avait trouvé une solution. Exiler son ancienne maîtresse à Courtenay avec l'enfant. Valentine accepta encore cet arrangement. Elle ne verrait plus l'infortunée Adrienne, si tendre et si bonne, si malheureuse par son irrémédiable faute. Quant à son amant, il lui faisait horreur maintenant. Oui, c'était cela. Elle se consacrerait à sa fille, rien qu'à elle. D'ailleurs, l'air de Paris ne valait rien à la petite, elle en convenait. Il restait au comte à signifier son désir, ou sa volonté, à la comtesse Adrienne. Il le fit. À sa grande surprise, Madame de Charmeuse n'éleva aucune objection formelle et courba la tête, résignée. « En effet, monsieur, lui dit-elle, cela vaudra peut-être mieux ainsi, et je vous en remercie encore. » Elle se laissait arracher son enfant sans hurler de douleur, sans même protester. Elle en était confondue, terrifiée, mais c'était ainsi. La petite Geneviève ne lui était pas seulement indifférente, elle lui était insupportable. Son éloignement serait un bienfait. Et elle essayait de raisonner cette hostilité sourde et persistante contre le fruit de sa faute. « Non, se disait-elle, je ne puis aimer l'enfant de Jean Robin, ce traître, cet ingrat. Quelle erreur volontaire !» Au seul nom de Jean, son cœur mollissait et ses beaux yeux se remplissaient de larmes de regret, peut-être d'amour. Le départ de Geneviève de Charmeuse fut donc décidé.